Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. César, le Salon Noir en avait dressé le portrait voici peu. Jaloux de lui-même, le politique, l'homme de guerre, l'écrivain, surtout le dieu. Et après ? Après émerge Octave, ou plutôt Auguste. Auguste dont nous fêtons aujourd'hui le bimillénaire de la mort, au travers d'une superbe et incontournable exposition de la Réunion des musées nationaux au Grand Palais. Auguste, c'est bien entendu le premier empereur de Rome. C'est surtout pour les archéologues quantité de vestiges d'une période dite augustéenne, nous y reviendrons. Pour retracer ce règne, pour percevoir ce qui nous en est parvenu, deux invités, Jean-Louis Voisin, William Van Andringa, bonjour. Bonjour. Ancien membre de l'École française de Rome, Jean-Louis Voisin, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 12. Vous venez aussi de signer un grand article dans le Figaro hors série, Auguste des promesses de l'âge d'or, un numéro du Figaro dont le Salon Noir de France Culture est aujourd'hui partenaire. Habitué de notre émission d'archéologie, William Van Andringa, vous êtes professeur à l'Université de Lille 3. Homme de terrain, vous fouillez actuellement à Pompéi. Nous connaissons tous les conquêtes de César. L'histoire d'Auguste est celle d'une autre et incroyable conquête. Jean-Louis Voisin ? Oui, c'est d'abord la conquête du pouvoir. Un pouvoir qu'il n'était pas a priori destiné à avoir. Il a 19 ans lorsqu'il apprend que son père adoptif, il ne sait pas qu'il a été adopté, que son père adoptif est assassiné. Il se trouve en Illyrie, c'est-à-dire dans l'Albanie actuelle, pourrait-on dire. Il revient rapidement en Italie et là, contre tous les conseils que lui donnent ses amis, il se lance dans la conquête du pouvoir, d'abord pour venger son père. Et il y a 5 guerres civiles qu'il va rapporter, des guerres civiles contre des gens qui sont expérimentés sur le plan militaire, qui ont une expérience aussi politique, alors que lui n'a pratiquement rien. Il a simplement un nom, il est le fils du divin César, qui a été divinisé. Il a l'argent, les 3/4 des biens de César, plus les 2 autres héritiers vont lui donner aussi ses biens. Et puis, il a les vétérans. Et il va prendre le pouvoir par l'armée, en conservant très souvent l'apparence républicaine. Et ensuite, une fois qu'il a le pouvoir, il faut le garder. Et sa conquête du pouvoir, si vous voulez, proprement dite, s'arrête finalement en 30, quand Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident à Alexandrie. Alors, mais remontons dans le temps, bien avant de devenir Auguste, cet Octave qu'il faut découvrir. Qui est-il ? D'où vient-il ? Bien d'une famille de Vélitre, une petite ville du Latium. Son père est le premier à avoir parcouru les honneurs, comme l'on dit, à Rome. Donc c'est une famille d'origine équestre qui est riche malgré tout, puisqu'il va naître, lui, sur le Palatin. Et on sait que le Palatin, à cette époque, c'est la maison des aristocrates qui domine le Forum. Et puis sa mère, Attia, et la petite fille de Julia, la fille pardon de Julia, la sœur de Jules César. Et Jules César n'a pas d'héritier. Il va se prendre d'affection pour ce garçon qui est intelligent, qui est vif. Et lorsqu'il, à partir de 49, il va l'introduire d'abord dans des collèges religieux, et puis ensuite, lors de son triomphe sur l'Afrique. Une campagne militaire contre les Pompéens à laquelle Octave n'a pas participé, il le place sur les chevaux qui accompagnent le char du vainqueur. Or, traditionnellement, c'est la place qu'occupent les enfants du triomphateur. Donc, il le désigne à tous comme étant un successeur possible. Mais qu'en est-il de Brutus, donc autre frère adoptif ? Il le dit en grec, hein, mon petit, c'est un terme familier, hein, mais il n'est pas adopté, hein, Brutus. Hein. C'est, on ne sait même pas d'ailleurs si c'était le fils de César. Tout le monde pense que ce n'était pas le fils de César, mais simplement il dit, toi aussi mon fils, toi aussi mon petit, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc c'est le seul héritier mâle, finalement, de César. Alors Octave, de son éducation, nous savons qu'il a reçu un enseignement, bien sûr, forcément par quelques vieux maîtres, et d'ailleurs en compagnie d'un personnage déjà important, enfin qui va devenir important, Agrippa. Agrippa, tout à fait emblématique des gens qui accompagnent Auguste, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas d'une vieille famille romaine. C'est un Italien, vraisemblablement peut-être d'une famille équestre, qui suit les cours de ce rhéteur à Rome et qui accompagne Octave à Apollonie, où César lui donne finalement la mission peut-être de parfaire son éducation, bien qu'Apollonie ne soit pas un grand centre intellectuel, mais surtout de s'occuper des armées de César, armées que César veut rassembler ici sur la Via Ignatia pour aller ensuite combattre les Parthes. Et là, le jeune Octave devrait y faire une sorte d'apprentissage militaire, car il ne connaît pas bien Agrippa. Vous avez raison, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, à la fois militaire, administrateur, écrivain, et puis d'une fidélité à toute épreuve, puisqu'il va devenir le corrigeant de l'Empire avec Octave. Les Parthes, c'est bien sûr les ennemis invaincus de Rome. C'est la véritable menace. Oui, c'est la vraie menace, hein, puisque Acar, Crassus du premier triumvirat a été battu, s'est tué, et puis la statue que l'on voit à l'exposition et qui se trouve, je crois, sur la page de garde du Figaro, la statue de la Prima Porta, c'est justement en vain la remise des enseignes par les Parthes, remise qui a été acquise par la diplomatie d'Auguste. On ne sait rien de son vieux maître Apollonore de Pergame. Non, pas grand-chose. Absolument, hein. Pas passé à la postérité. Non, si ce n'est qu'il est resté ensuite, pense-t-on, à Apollonie. Probablement entre le 20 et peut-être le 27 mars de l'an 44 avant notre ère, Octave apprend la mort de César. Il est alors loin de Rome. Que se passe-t-il ? Rentrer rapidement, dans un moment où visiblement le pouvoir vacille, tout bouge. À Rome, le pouvoir, oui, le pouvoir vacille. Plus exactement, il est partagé entre trois parties. Il y a d'abord les héritiers de César avec Marc-Antoine. Il y a les césaricides qui restent sur place et qui sont bizarrement amnistiés. Et puis il y a le Sénat, hein, qui balance, qui attend et dont la figure principale est bien entendu Cicéron. Et il reçoit, Octave reçoit la lettre de sa mère. Il ne sait pas qu'il a été adopté. Il ne connaît pas non plus les conditions de la mort de César. Tout cela, il va le découvrir en allant en Italie. Il fait un petit crochet par la compagnie, terre chère à mon collègue. Et là, il rencontre sa mère. Il rencontre aussi Cicéron et il va sur Rome, où Marc-Antoine le reçoit, le fait lanterner en disant qu'est-ce que c'est que ce gamin qui vient réclamer là, l'héritage de César. C'est moi l'héritier, dit Marc-Antoine. Et Cicéron pense l'utiliser contre Marc-Antoine. Et la première guerre civile va naître justement de cette alliance paradoxale entre Cicéron et Octave contre Marc-Antoine avant qu'il y ait un retournement d'alliance et que Marc-Antoine et Octave s'allient avec Lépide pour former le deuxième triumvirat contre le Sénat et contre Cicéron. Quelles sont les ambitions du jeune homme ? Il est tout jeune, il a 19 ans à peu près. Hein. 19 ans, 20 ans. Est-ce que c'est venger César ou c'est déjà acquérir le pouvoir ? Peut-être les deux. Se venger très certainement, il le dit. Et il va, après, à la suite de la bataille de Philippe contre les Césaricides, il va vouer un temple à Mars Ultor, Mars Vengeur, le temple qui va dominer le forum qu'il fera construire et qui sera consacré en deux avant. Et donc, il y aura 40 ans pour construire ce monument extraordinaire qu'est le forum. Et au cours de ces 40 ans, le chef de clan est devenu un homme d'État sage et il fait même représenter la statue de Pompée parmi les grands hommes de Rome qui aboutissent évidemment, cette histoire aboutit à lui-même. Pourquoi les Césaricides ont-ils été amnistiés ? Ça paraît absolument incroyable. Oui et non, parce que Marc-Antoine... Dans une période où la vie ne vaut pas grand-chose, quand même. Marc-Antoine veut avoir la paix. Il se présente comme l'homme du compromis, l'homme qui veut avoir avec lui la foule, qui joue un rôle important, les vétérans, l'argent, bien entendu, et puis aussi être maître de Rome. Et il est consul légitime. L'autre étant César, qui vient de disparaître. Donc, il a un rôle de pacificateur. Et ça lui sera, bien entendu, reproché par Octave. Nous voici dans une période troublée, de guerre civile, de triumvirat, l'irrémédiable déclin de la République, c'est à peu près ça ? Irrémédiable, je ne sais pas. Mais dans les faits, oui. Hein. Bien que Octave... se présentera toujours comme le sauveur de la République. Une République, il dira, qu'il a remise sur pied. Et il conservera toujours l'apparence d'une de forme républicaine, même si, en fait, à partir de 27 et de 23 encore plus, il s'agit d'une monarchie. William Vondendinga, pour vous, qui êtes spécialiste de l'époque romaine, cette période, cette histoire même, c'est une des plus intéressantes de Rome dans ces quelques 50 ans, 60 ans. C'est en tout cas un tournant, une époque très importante. Si on le prend d'un point de vue archéologique, par exemple, si on peut faire de l'histoire fiction, si on n'avait aucun texte sur l'histoire romaine qui nous renseigne, qui nous dise l'importance du règne d'Auguste, eh bien, l'archéologie permettrait de mettre en évidence une période de transformation importante. À Rome, donc, on aurait donc des niveaux constellés de marbre. On verrait également que le forum romain a doublé de volume. On verrait également qu'il y a des monuments tout à fait, qui peuvent surprendre sur le champ de Mars, des monuments publics sur le champ de Mars, notamment un mausolée, un tombeau monumental. Tout cela serait absolument incompréhensible. À Pompéi, si on se transporte, donc il a été question de Pompéi, si on se transporte à Pompéi en compagnie, eh bien, même chose, si nous n'avions pas de texte et l'arrière-plan romain qui nous dise l'importance du règne d'Auguste, ces 50 années, eh bien, il faudrait comprendre ce développement urbain assez considérable qui a touché Pompéi, c'est-à-dire la construction d'un nouveau théâtre ou la restauration en marbre, la transformation complète du forum de l'agglomération, et là aussi la construction de nouveaux bains publics, etc. Autrement dit, et je continue ma pensée, en Gaule, en Gaule, même chose, après l'intermède situé entre la période de César, autrement dit la conquête de ce que l'on appelle les trois Gaules, les trois provinces de Gaule, autrement dit des territoires gaulois, de la Gaule interne, et la période augustéenne, on a une intermède où il ne se passe pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, au tournant de notre ère, on a 60 villes qui naissent de terre. Et là aussi, les archéologues, aujourd'hui, depuis 30 ans, l'archéologie préventive montre, peut préciser les datations des vestiges qu'ils rencontrent avec une grande finesse. Autrement dit, très souvent, l'époque augustéenne apparaît là aussi comme une période de transformation, de bouleversement. Autrement dit, pour en venir pour répondre à cette question très large quand même, l'archéologie qui s'occupe des vestiges matériels, elle arrive à ce constat qu'on a là une période de tournant, une période de changement, une véritable révolution matérielle. Et donc ça, c'est finalement un écho, cela vient en écho à justement l'importance du règne d'Auguste. Jean-Louis Voisin, réagissez. Pour vous, c'est une période vraiment bien sûr charnière, mais c'est une période absolument très intéressante aussi. Oui, j'ajouterai. Tout se passe là. J'ajouterai pour compléter cela, c'est aussi l'éclosion de l'épigraphie. Pour toute l'épigraphie républicaine, je crois qu'on a autour de 5 à 6 000 inscriptions. Et puis d'un seul coup, l'écrit apparaît partout. Et aussi dans la façon de gouverner. On a parlé tout à l'heure de prise de pouvoir. Dans la façon de gouverner, il y a maintenant des directives écrites. On pourrait concrétiser ça par les Resgestei qui ont été, bien entendu, qui sont présentés à l'exposition, hein, c'est-à-dire une sorte de testament écrit quelques mois avant la mort par Auguste lui-même ou dicté, et qui était gravé dans toutes les provinces de l'Empire, dont on a retrouvé essentiellement en Turquie, à Ankara, dans la Nouvelle-Galicie, des traces. Mais il y a là, je crois, c'est Zanker et puis Alfoldi hein, qui avaient montré cela, une sorte d'éclosion de l'épigraphe. Et ce qui est la marque de Rome, hein, quand même. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle qu'en partenariat avec Le Figaro hors série, nous évoquons le destin et l'œuvre d'Auguste, premier empereur de Rome, à l'occasion du bimillénaire de sa mort, avec Jean-Louis Voisin, maître de conférence à l'Université de Paris 12, et William Van Andringa, professeur à l'Université de Lille 3. La guerre civile, cette longue prise du pouvoir, fera beaucoup de morts, dont Cicéron, mais aussi le suicide d'Antoine, de Cléopâtre, la défaite de Marc Aurèle à la bataille navale d'Axium en septembre 31 avant notre ère. Voici quelques extraits des événements, tout ça s'enchaîne, mais visiblement beaucoup de morts. Oui, beaucoup de morts. Cléopâtre, c'est assez normal, hein, parce que c'est une Égyptienne, et la propagande d'Octave la présentera jamais comme une Romaine. Hein. Mais il y a effectivement beaucoup de morts. Il y a d'abord la proscription, la deuxième proscription, c'est-à-dire une liste de noms qui sont affichés. C'est une sorte à la fois d'épuration, et on élimine tous les ennemis. Hein, ça permet d'asseoir ensuite un pouvoir. Ça peut éviter aussi une guerre civile. On pense qu'il y a eu 150 sénateurs et 150 membres de l'ordre équestre qui ont été exécutés. Vous avez parlé de Cicéron, c'est atroce, la fin de Cicéron, on lui coupe la tête, on ramène l'ensemble au rostre, et Fulvia, la femme de Marc-Antoine, Cicéron avait été très acerbe avec Marc-Antoine, pique avec une aiguille de ses cheveux en or la langue de Cicéron qui avait médit de son mari. Du triumvirat, seul Octave subsistera, c'est bien ça à peu près. Ah oui, bien sûr. Hein. L'un se suicide, Lépide, qui n'était pas si insignifiant que cela, mais il joue la mauvaise carte pendant la lutte contre Sextus Pompée hein, en 36. Et donc, il est grand pontife, mais il va être relégué dans un petit village. Et à sa mort en 12, cela permettra à Auguste de prendre le titre de grand pontife et donc de devenir chef de la religion romaine. Le 16 janvier de l'an 27, Octave, avant notre ère bien sûr, Octave reçoit le titre d'Auguste. Voici désormais Imperator Caesar Divi Filii Augustus. C'est bien ça? Oui. Alors, Augustus, c'est... Et ça représente quoi tout ça? C'est assez facile à expliquer. Augustus, c'est un terme du vocabulaire religieux, hein, comme augure. Ça veut dire, ou en français, augmenter. C'est celui qui a une auctoritas supérieure aux autres. C'est-à-dire qu'il est déjà par lui-même classé par une sorte de surhumanité. Mais ça ne se transmet pas, donc il y aura déjà un problème. Imperator, c'est le titre que portent les généraux vainqueurs. Mais lui, il le prend comme prénom. Imperator, fils de César, hein, donc César divinisé, ce qui donne un atout quand même dans la vie, quand vous êtes fils de quelqu'un qui est divinisé, hein, donc il appartient au César, et par l'intermédiaire de la famille des Iules, il remonte jusqu'au fondateur de Rome, hein, jusqu'à Aîné, et puis ensuite à Augustus, donc c'est celui qui est marqué par une sorte de surhumanité. Son génie, c'est peut-être de ne pas revenir à la royauté et d'inventer l'Empire ? On peut voir ça comme cela. Son génie, surtout, ça a été de ne pas se faire appeler Romulus, comme on lui avait proposé. Romulus, qui a été peut-être assassiné, on ne sait pas bien, même s'il est devenu, sous le nom de Quirinus, un être divin. Et surtout, son génie, je crois, ça a été de conserver les apparences de la République. Il a vu que son père adoptif, en voulant être roi trop rapidement, avait été assassiné. Donc lui conserve l'apparence, mais établit une monarchie. William Van Andringa, quelle fut la place et le rôle de la religion dans cette construction de l'Empire romain ? Ben, importante, inévitablement. Capitale. Puisque c'est une question complexe, parce qu'aujourd'hui, le religieux est séparé du politique, alors qu'à Rome, évidemment, à cette époque-là, le politique ne se fait pas, il n'y a pas de politique sans religion. Et ce que l'on peut dire de façon assez rapide, c'est que la mise en place de ce pouvoir de type nouveau, dont on a dit toute la subtilité, c'est-à-dire que Auguste se présente comme un chargé de mission de la République, hein, qui n'est pas morte, bien entendu, mais il fonde un véritable pouvoir monarchique. Donc toute la subtilité est de rythmer, hein, dans la mise en place de son pouvoir et de rythmer les différents actes politiques ou les différents événements de sa vie, eh bien, par des cultes, en instaurant des cultes nouveaux, que l'on englobe souvent sous le titre de culte impérial. Alors là, c'est peut-être une parenthèse qui serait utile ici, c'est que, attention, le culte impérial, c'est un terme générique moderne qui qualifie un grand nombre de cultes et d'honneurs qu'Auguste a reçu, mais là aussi, lorsqu'on regarde les choses en détail, eh bien, la plupart du temps, c'est le pouvoir impérial, hein, qui a été divinisé, non pas l'empereur lui-même de son vivant. Et la plupart du temps, eh bien, ce sont des honneurs, hein, qui sont venus, donc des honneurs suprêmes, dignes d'un dieu, hein, selon la mode grecque, qui tombe sur l'Auguste. Donc tout cela pour dire que, évidemment, le religieux a été très prégnant, et Auguste, alors là aussi, c'est d'une part, s'affirme comme le restaurateur des grands cultes républicains, mais également, il reformule ses cultes, puisqu'il crée des liens avec les différents événements de sa vie politique. Il réintroduit les dieux lares qui avaient été interdits, c'est bien ça ? Alors, les lares, ce sont les dieux attachés au territoire de la maison, ce sont les dieux domestiques par définition, ils habitent le foyer de la maison. Et il fait de ces lares, eh bien, des divinités publiques, les lares augustes, qu'il installe au carrefour de Rome. Donc là aussi, c'est toute la grande souplesse et surtout la grande force politique d'Auguste, donc de donner finalement un écho religieux à chaque acte politique qui vient fonder son pouvoir. Donc Auguste est le restaurateur de la tradition et des croyances ancestrales, mais aussi une sorte de grand réformateur, si je comprends bien au niveau religieux. Oui, en partie. Je reviens sur ce que disait notre collègue. C'est en 12, quand il est grand pontife, que les lares sont introduits. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour cette religion qu'on appelle, parce que c'est le terme pratique de religion impériale, c'est de qui vient l'initiative. Il y a d'abord des initiatives privées. Hein, et il faudrait différencier là entre l'Orient et l'Occident. Et ces initiatives privées, que ce soit à titre individuel ou à titre de collectivité, tendent à mettre Auguste sur une sorte de surhumanité. Mais lui reste toujours très en dehors de ça. Il reste avec habileté, il fait honorer son genius, mais plus que lui-même. Hein, ça ne sera qu'à sa mort qu'il pourra devenir divus, non pas dieu, mais divinisé. L'âge d'or d'Auguste, c'est bien entendu la statuaire qui se caractérise par tout un ensemble de très beaux portraits de l'empereur que l'on peut découvrir dans l'exposition du Grand Palais, William Van Andringa. Oui, il est à l'origine donc d'une programmation de différents portraits. On distingue plusieurs types, hein, qui sont diffusés dans l'Empire. Alors ce sont des portraits officiels, donc là aussi, qui sont destinés à relayer en quelque sorte, il se présente comme à la fois quelqu'un de pieux, donc c'est un portrait qui le montre en train de célébrer un sacrifice. Il se présente comme un militaire, et là aussi c'est un portrait particulier, ou plutôt une statue particulière, un type particulier qui vient qualifier cette dimension de l'Auguste. Donc là aussi ce sont tout cela vient rythme en quelque sorte la mise en place de son pouvoir. Et qu'il s'agisse de la statuaire, de la monnaie ou des auteurs de la littérature, ne s'agit-il pas tout simplement de propagande impériale ? Le mot peut-être un peu fort, mais... Je parlerai d'apparat monarchique, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue. C'est-à-dire Si. La propagande, elle est. Propagande dans la première partie de son règne. La première partie du règne, c'est de la propagande, puisqu'il faut convaincre. La propagande, c'est convaincre. Ensuite, c'est simplement affirmer sa puissance. Oui, parce qu'il n'a plus besoin de convaincre. Il n'a plus besoin de convaincre. Ouais. Les opposants sont tués ou se sont tués et, ou se sont ralliés. Donc, c'est simplement pour affirmer son pouvoir. La Rome d'Auguste, c'est le passage de l'architecture de briques à l'architecture de marbre. La Rome que l'on s'imagine, celle qui a un langage architectural propre, en un mot, celle qu'aiment les touristes ou qu'aimeraient voir les touristes. Le problème, c'est qu'on ne voit plus beaucoup de marbre à Rome. Dans les églises. Oui, dans les églises ou en réemploi. En réemploi, parce que la plupart... Ce que voient les touristes aujourd'hui des grands monuments augustéens, ce sont les carcasses en briques de ces bâtiments qui étaient évidemment recouverts de marbre. Là, la tradition historiographique est juste, mais tout ce marbre a été remployé à partir de la fin de l'Antiquité. Donc tous ces monuments ont été dépecés. Donc je ne sais pas si les touristes aiment avoir les monuments de l'époque impériale. Cette période est aussi la floraison des arts et des lettres, le temps d'un conseiller, le fameux mécène. Un prince étrusque qui joue le rôle de ministre de l'Intérieur, qui fait connaître à Auguste, Octave, Virgile, Horace, et qui va ramener autour de lui les plus grands écrivains de l'époque, et on peut dire presque les plus grands écrivains de la langue latine. Quelques noms ? Horace, Virgile, il va y avoir ensuite Tibulle, mais c'est surtout cela. Virgile avec l'Énéide, bien entendu, les bucoliques, et on peut suivre toute l'histoire d'Auguste à travers les œuvres de Virgile. Qu'en est-il en Gaule ? César l'avait vaincu, Auguste la romanise réellement ? Alors oui, la présence d'Auguste est très prégnante en Gaule, ça c'est indéniable. César quitte la Gaule en 50 avant Jésus-Christ et après avoir achevé la conquête. Il ne se passe pas grand-chose, au moins de visible. Et les textes, c'est vrai, ne donnent pas beaucoup de renseignements. En revanche, on a, si vous voulez, quelque chose qui revient à partir dans les années exactement. En 13 avant Jésus-Christ. Voilà le tournant important, puisqu'on a un petit résumé de Tite-Live, pas grand-chose, mais qui dit l'essentiel, c'est-à-dire que Drusus prépare une offensive en Germanie. Et donc, le texte nous dit qu'il s'occupe du sens en Gaule. Il recense les biens et les personnes. Et cela cause des révoltes, mais il dit que ces révoltes étant réglées, eh bien, il peut s'attaquer à la Germanie. Et ce qu'il fait, et c'est un acte religieux qui vient finalement parachever une action politique, eh bien, il fonde l'hôtel de Rome et d'Auguste, consacré, un hôtel monumental consacré à Rome et Auguste, à Lyon, au confluent. Et il indique que les textes indiquent eh bien, que c'est à l'hôtel que se réunissent, à partir de ce moment-là, nous sommes en 12 avant Jésus-Christ, que se réunissent les délégués des 60 cités des trois provinces de Gaule. Autrement dit, Auguste a fondé le système provincial en Gaule. Il est à l'origine bien de la fondation des trois provinces de Gaule, des trois provinces romaines, d'Aquitaine, de Lyonnaise et de Belgique. Et puis nos villes françaises doivent à peu près tout à cet empereur. Troyes, Lutèce, Bavay, mais aussi Autun, Augustodunum, la ville d'Auguste. Et oui, le schéma provincial, eh bien, s'accompagne d'une transformation des peuples gaulois en cités, en civitates, en cités. Autrement dit, les cités, ce sont de petits états centrés sur des chefs-lieux urbanisés. Et en effet, la création de ces cités à l'emplacement donc, des états gaulois qui ont précédé, eh bien, amène à la création de villes nouvelles, qui sont des villes romaines, autrement dit fondées selon le modèle urbanistique romain. Et aujourd'hui, on a des traces précises de ces villes nouvelles, et on sait les dater eh bien, entre, justement, elles sont postérieures à 13-12 avant Jésus-Christ, autrement dit, elles datent de la dernière décennie du 1er siècle avant Jésus-Christ et de la première décennie qui suit. Puisque vous fouillez à Pompéi, William Van Andringa, quelques mots, Auguste est bien présent dans la ville en quelques secondes. Il est omniprésent, mais sans être présent physiquement. Juste une petite histoire pour terminer. Eh bien, on a les deux grands personnages de l'époque médio-augustéenne. Autrement dit, nous sommes autour du tournant de l'ère. Marcus Tullius d'un côté, son concurrent direct politique qui s'appelle Holconius Rufus. L'un restaure le théâtre en marbre et crée un monument au-dessus d'un carrefour, d'un des carrefours principaux de la ville. Et l'autre, Marcus Tullius, construit un temple consacré à Fortune Auguste. Jean-Louis Voisin, William Van Andringa, merci. Je rappelle la grande exposition « Moi, Auguste, empereur de Rome » du Grand Palais, réalisée par la Réunion des musées nationaux, que Le Figaro, hors série aujourd'hui, partenaire du Salon Noir, vient de publier un numéro intégralement consacré à Auguste, « Les promesses de l'âge d'or », que la revue Archéologia l'évoque aussi dans son numéro de mars. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, attachée d'émission Catherine Donnet.